Bonjour tout le monde, c'est l'heure du japonais en douceur de NHK World Radio Japon. Je suis Adrien Lachance. Je suis Mélanie Marx. Découvrons ensemble le plaisir d'apprendre le japonais. Nous voici arrivés à la leçon 47. La phrase clé est... Mon rêve, c'est de devenir professeur de japonais. Littéralement, devenir professeur de langue japonaise est mon rêve. Le personnage principal de notre sketch est Anna, une étudiante internationale originaire de Thaïlande. L'année d'études d'Anna à l'étranger touche à sa fin. Elle assiste aujourd'hui à son dernier cours à son université. Écoutons le sketch de la leçon 47. La phrase clé est... Mon rêve, c'est de devenir professeur de japonais. 最後に皆さんの夢を教えてください。僕は日本を一周したいです。私は日本語教師になるのが夢です。Laissez-moi vous expliquer le sketch. Le professeur Suzuki a rendu aux étudiants leur copie d'examen. Rodrigo a eu une note parfaite. Anna a obtenu 95. Le professeur Suzuki regarde les étudiants et dit « 最後に皆さんの夢を教えてください。 Pour finir, veuillez tous nous dire quel est votre rêve. 最後に signifie « pour finir ».« 皆さん signifie « vous, vous tous, tout le monde ».« の est une particule qui lie les substantifs. « 夢 signifie « rêve ». Oh. Est une particule qui indique l'objet d'une action. Oshiete est la forme en te du verbe oshiemas, enseigner, dire. Elle est suivie de kudasai, s'il vous plaît. La forme en te des verbes, lorsqu'elle est suivie de kudasai, exprime une demande, n'est-ce pas? Tout à fait, Mélanie. Donc, oshiete kudasai signifie veuillez nous dire, littéralement, s'il vous plaît, dites-nous. Rodrigo répond. Je voudrais faire le tour du Japon. Littéralement, en ce qui me concerne, je veux faire un tour au Japon. Bok signifie je. On l'emploie lorsqu'un homme se réfère à lui-même lors d'un événement informel. Wa est la particule qui indique le thème ou le marqueur de sujet. Nihon c'est Japon. O est une particule qui indique l'endroit où une personne va aller. Ichu signifie un tour. C'est la combinaison du nombre ichi, un, et du numérateur shu, tour. Ainsi, on dit ichu et non ichishu, n'est-ce pas? C'est juste. Bonne déduction, Mélanie. Shitai est une forme conjuguée du verbe shimasu, faire. La composante mas de shimasu est remplacée par tai. Si l'on utilise tai, on peut ainsi exprimer son espoir. Anna dit ensuite avec hésitation. Watashi wa nihongo kyoushi ni naru no ga yume desu. Quant à moi, mon rêve, c'est de devenir professeur de japonais. Watashi signifie je, moi. Wa est la particule qui indique le thème. Nihongo c'est langue japonaise. Kyoushi signifie professeur. On peut aussi dire « sensei » ni est une particule qui indique le résultat d'un changement. Naru est la forme du dictionnaire du verbe narimasu être, devenir. Le mot suivant « no » transforme les verbes en « non » s'il est ajouté à la forme simple des verbes, comme la forme du dictionnaire ou la forme en « ta ». Ainsi, « kyoushi ni naru no » est devenu un nom dont la signification est à peu près « le fait de devenir professeur, n'est-ce pas? Tout à fait. Na est la particule qui indique un sujet. Yume signifie un rêve, des rêves. Des est une expression polie placée à la fin d'une phrase. Anna souhaite-t-elle devenir professeur comme le professeur Suzuki? Je pense, oui. La tutrice d'Anna, Sakura, aspire également à devenir professeur de langue japonaise. Anna a peut-être été influencée par Sakura. Écoutons de nouveau le sketch de la leçon 47. La phrase clé aujourd'hui est Mon rêve, c'est de devenir professeur de japonais. 最後に、皆さんの夢を教えてください。 僕は日本を一周したいです。 私は日本語教師になるのが夢です。 Voici maintenant notre rubrique Enseignez-nous, professeur. La responsable de cette émission, la professeure Akane Tokunaga, nous enseigne le point d'apprentissage du jour. Aujourd'hui, nous avons appris un verbe qui est devenu un nom, comme dans Nihongo Kyoshi ni naru no ga yume desu. Mon rêve, c'est de devenir professeur de japonais. Veuillez nous enseigner plus en détail comment on change les verbes en nom. Posons la question à notre professeur. Watashi ga oshiemashou. Pour changer les verbes en nom, on ajoute no ou koto à la forme simple des verbes, comme la forme du dictionnaire ou la forme en ta. Je vais vous expliquer en utilisant la phrase de notre sketch, dont la signification est « Mon rêve, c'est de devenir professeur de japonais ». Pour changer le verbe « narimasu » être, devenir, en nom, on ajoute « no » à la forme du dictionnaire de « narimasu » qui est « naru ». On obtient ainsi « naru no » un nom. Donc, « Mon rêve, c'est de devenir professeur de japonais » se dit On peut aussi employer koto au lieu de no. Donc, naru no, devenir, le fait de devenir, peut aussi être naru koto. Si l'on emploie naru koto, la phrase sera la suivante. Nihongo kyoshi ni naru koto ga yume desu. Mais on ne peut utiliser koto que si on change un verbe en un nom placé juste devant desu à la fin d'une phrase. Alors comment dit-on « Mon rêve est de devenir professeur de langue japonaise ». Mon rêve est… Watashi no yume. Ainsi en japonais on dit… Watashi no yume wa nihongo kyoshi ni naru koto desu. D'autre part, on ne peut utiliser no pour changer des verbes en nom que si des verbes de perception comme entendre ou voir viennent après. Examinons le résultat obtenu avec la phrase « On entend les oiseaux chanter ». Le chant des oiseaux se fait entendre. Oiseau c'est… Tori. Chanter, c'est nakimasu. Sa forme du dictionnaire est naku. Ainsi, les oiseaux qui chantent ou le chant des oiseaux, c'est tori ga naku no ga. Peut entendre, c'est kikoemasu. Donc la phrase entière, je peux entendre les oiseaux chanter ou le chant des oiseaux, se dit tori ga naku no ga kikoemasu. C'était notre rubrique Enseignez-nous, professeur. Passons là-dessus à notre rubrique mots descriptifs des sons. Nous vous présentons ici des mots qui contiennent des sons évoquant des bruits particuliers, des voix ou des comportements. Sura sura. On l'utilise lorsque quelqu'un parle de ou lit à propos de quelque chose en douceur et sans effort. Si on est capable de lire un livre en japonais sans problème, on peut dire « J'ai été capable de lire un livre en japonais, sura sura ». Pera pera. Ce mot décrit des gens qui bavardent rapidement et continuellement. On l'utilise aussi lorsque quelqu'un parle avec les autres de quelque chose dont il ou elle n'est pas censé parler. On peut aussi l'utiliser pour décrire les gens qui parlent couramment des langues étrangères. Oui, mais dans ce cas, l'intonation est différente. Pour lui donner ce sens, il faut le dire ainsi. Pera pera. Dans notre rubrique mots descriptifs des sons, aujourd'hui, nous vous avons parlé de... Sura sura. Et de... Pera pera. Avant de conclure, Anna se remémore les événements de la journée et ses tweets. C'est notre rubrique Les tweets d'Anna. Je lis des mangas japonais tous les jours. Je peux maintenant les lire sura sura, facilement, sans utiliser le dictionnaire. Cette année a été épanouissante pour moi. La leçon 47 vous a plu? Notre phrase clé aujourd'hui était... Mon rêve, c'est de devenir professeur de japonais. La prochaine leçon sera notre dernière. Ne la manquez surtout pas.